Deutéronome chapitre 25, quand il y aura eu un différend entre quelques-uns, et qu'ils viendront en jugement afin qu'on les juge, on justifiera le juste, et on condamnera le méchant. Si le méchant a mérité d'être battu, le juge le fera jeter par terre, et battre devant soi par un certain nombre de coups, selon l'exigence de son crime. Il le fera donc battre de 40 coups, et non de davantage, de peur que s'il continue à le battre au-delà de ses coups, la plaie ne soit excessive, et que ton frère ne soit traité trop indignement devant tes yeux. Tu n'émuselleras point ton bœuf, lorsqu'il foule le grain. Quand il y aura des frères demeurant ensemble, et que l'un d'entre eux viendra à mourir sans enfant, alors la femme du mort ne se mariera point dehors à un étranger, mais son beau-frère viendra vers elle, et la prendra pour femme, et l'épousera comme étant son beau-frère. Et le premier-né qu'elle enfantera, succédera en la place du frère mort, et portera son nom, afin que son nom ne soit point effacé d'Israël. Que s'il ne plaît pas à cet homme-là de prendre sa belle-sœur, alors sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens, et dira, « Mon beau-frère refuse de relever le nom de son frère en Israël, et ne veut point m'épouser par droit de beau-frère. » Alors les anciens de sa ville l'appelleront, et lui parleront, et s'il demeure ferme, et qu'il dise, « Je ne veux point la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui devant les anciens, et lui ôtera son soulier du pied, et lui crachera au visage, et prenant la parole, elle dira, « C'est ainsi qu'on fera à l'homme qui n'édifiera point la maison de son frère. » Et son nom sera appelé en Israël, « La maison de celui à qui on a déchaussé le soulier. » Quand quelques-uns auront querelle ensemble l'un contre l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de celui qui le bat, et qu'avançant sa main elle l'empoigne par ses parties honteuses, alors tu lui couperas la main, et ton œil ne l'épargnera point. Tu n'auras point dans ton sachet deux sortes de pierres à peser, une grande et une petite. Il n'y aura point aussi dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit, mais tu auras les pierres à peser exactes et justes, tu auras aussi un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses-là, quiconque commet une injustice, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Qu'il te souvienne de ce qu'Amalek t'a fait en chemin, quand vous sortiez d'Égypte, comment il est venu te rencontrer en chemin, et a chargé en queue tous les faibles qui te suivaient, quand tu étais là et harassé, et n'a point eu de crainte de Dieu. Quand donc l'Éternel ton Dieu, t'aura donné du repos de tous tes ennemis tout alentour, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, alors tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas.